La semaine passée, toute la planète hockey a été un petit peu surprise d'apprendre le congédiement de Bob Hartley. Et soudainement, on a appris par la bande que le contrat de Michel Goulet comme dépisteur professionnel n'a pas été renouvelé avec les Flames de Calgary. Question de savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé. On lui parle. Salut Michel. Michel, qu'est-ce qui s'est passé avec l'organisation des Flames de Calgary? Bien, disons que naturellement, on a eu tellement de belles saisons il y a 2 ans que je pense que tout le monde pensait qu'on allait peut-être faire les séries cette année, chose qui ne s'est pas produite. Et puis, on a vu que Bob et Jacques ont été remerciés la semaine passée. Et puis, naturellement, lorsqu'on a vu comment est-ce qu'on a performé cette année, on a eu un départ excessivement lent. On avait énormément de la misère en défensive. Et puis, naturellement, on sait un peu nos faiblesses qu'on avait, et puis on n'a pas été incapable de répéter ce qu'on avait fait. Okay. Alors, le gérant a décidé de changer un peu, et puis dans mon cas, ils ont décidé d'aller avec un autre. Un dépisteur professionnel, ça fait quoi? Juste, ça se promène un peu partout dans la Ligue nationale. Lorsque le directeur gérant, exemple Traveling, demandait, étant pour parler pour une transaction, il demandait l'avis des dépisteurs professionnels, quoi? C'est toujours comme ça que okay. Je pense que c'est là que le travail rentre en ligne de compte. C'est quand il y a une transaction possible entre deux clubs, c'est là que le gérant parle à ses dépisteurs professionnels pour savoir quelle sorte de joueur qu'on va avoir, s'il est meilleur ou qu'est-ce qu'il peut apporter dans ton club. Alors je pense que c'est là tous les rôles des dépisteurs professionnels, c'est là que ça OK. Est-ce que, parce qu'on entend parler d'un dépisteur, quand c'est un dépisteur junior, que quand on a un bon prospect, on envoie plusieurs dépisteurs le voir pour avoir plusieurs avis. Est-ce que c'est la même affaire dans une transaction? C'est la même chose. C'est la okay. même chose. Qu'est-ce qui arrive dans le dépisteur junior et au collège? Je pense que premièrement, tu en as peut-être 12 à 15 par équipe. Okay. Au niveau professionnel, il y en a peut-être de 3 à 5. Alors, c'est complètement différent, mais il reste un fait que, comme nous autres, nous, 3 dépisteurs qu'on avait, ou les 4 dépisteurs qu'on avait, on essaie de voir tous les joueurs et d'avoir une opinion sur chaque joueur. OK. Là, tu t'attends-tu d'avoir des pourparlers? Certainement, Michel Gouet, ça a quand même plusieurs années qu'il est dans le circuit, qu'il a sûrement des contacts. Est-ce que tu t'attends d'avoir quand même des pourparlers intéressants avec d'autres formations? Sûrement, je pense que j'ai déjà communiqué avec une couple de clubs, et puis naturellement, c'est un peu une période ouais. tranquille pour ça, comme on dit, mais je pense que c'est plus, le monde se prépare plus pour le repêchage qui s'en vient Buffalo. Alors, je pense que dans mon cas, j'espère, et puis je suis très confiant d'avoir un poste au prochain camp. OK, OK. Comme tout le monde, j'imagine que tu as été surpris de voir Bob Hartley congédié. Oui, bien naturellement, ouais. Je pense que j'ai une longue histoire avec Bob, et on a travaillé ici ensemble pendant quasiment 8 ans, et puis 4 ans à Calgary. Alors je pense que ça fait toujours de la peine d'avoir ça, mais comme je connais un peu son record et puis qu'est-ce qu'il peut apporter à un club, je pense que c'est un gars qui va être en demande, je pense, prochainement. Naturellement, c'est-tu le bon temps, le mauvais temps? C'est sûr que lorsque tu vois un entraîneur faire son emploi, ça fait toujours. Non, c'est toujours. On fait partie de la job, mais c'est toujours dur à voir, surtout quand c'est un gars. OK. Ben Michel, très intéressant. On va avoir le plaisir de se parler dès que tu vas avoir un nouvel emploi. Pas de problème, mon ami. Michel Goulet, l'ancien numéro 16 des Nordiques de Québec.